Chapitre 22. Comment Kriemhild fut reçue chez les Yunen. Elle demeura à Zeitzenmühr jusqu'au quatrième jour, et pendant ce temps, jamais la poussière ne retomba sur la route. Elle était partout soulevée en tourbillons semblables à ceux d'un incendie. C'étaient les hommes du roi Etzel qui chevauchaient à travers l'Osterland. On annonça au grand chef, toute douleur s'évanouit de son âme, que Kriemhild s'avançait magnifiquement par le pays. Le roi se dirigea en hâte vers le lieu où il devait rencontrer la femme digne d'amour. On voyait chevaucher, parmi les chemins, devant Etzel, des troupes nombreuses de guerriers de 100 langues diverses, chrétiens et païens, tous épées vaillantes. Ils s'avançaient pompeusement au-devant des dames. Maint homme d'entre les Jutzen et les Griechen chevauchait là. Le Polan et le Vlachen accouraient rapidement. Ils guidaient avec vigueur d'excellents chevaux. Ils ne se cachaient point pour suivre leurs usages. Les Jutzen et les Griechen sont les Russes et les Grecs. Le Polan, le Polonais. Le Vlachen, le Valaque. On voyait là plus d'un guerrier du pays de Kiev et de sauvages Pesneurs. Horde de Tartares qui apparaît depuis le XIe siècle entre le Don et le Danube. Ils servaient dans les armées grecques et hongroises. Ils s'exercèrent beaucoup à tirer de l'arc sur des oiseaux en plein vol. Ils lançaient les flèches au but avec une prodigieuse vitesse. Dans l'Osterland, il est une ville au bord de la Tuonuf nommée Tulna. Tulln, à l'embouchure de la petite rivière Tulln, les archiducs d'Autriche allaient à la rencontre de leurs fiancés jusqu'à cette ville. Là, Kriemhild apprit à connaître des coutumes qu'elle n'avait jamais vues jusqu'à ce jour. Beaucoup la reçurent, qui, par elle, devait éprouver bien des maux dans la suite. Devant le roi Etzel chevauchait une troupe d'élite, joyeuse et très riche, belle et magnanime, composé d'au moins 24 princes puissants et de haute lignée. Ils ne désiraient rien tant que de voir leur souveraine. Le duc Ramunc du Vlarenland s'avançait d'abord avec 700 hommes. On les voyait tous s'élancer comme des oiseaux au vol. Le prince Guibec venait ensuite avec plus d'un superbe escadron. Hornbog, le rapide, avec 1000 hommes au moins, quitta le roi pour aller à la rencontre de la reine. Ils jetaient de grands cris suivant la coutume de leur pays. Les chefs des Yunen chevauchaient aussi très rapidement. Venait ensuite le hardi Havart de Danemark, Irina, le très agile, incapable de la moindre déloyauté, et Irnvrit de Duringen, la Thuringe, un homme de grand courage. Afin de faire honneur à Kriemhild, ils la reçurent avec 1200 hommes qu'ils conduisaient en troupes serrées. Suivait le seigneur Blödel, le frère d'Etzel, avec 3000 hommes du Yunenland. Blödel, le Bléda de l'histoire, qui aurait bâti Bouddha. Le père d'Attila dans l'Edda est Budli, que notre poème appelle Botelug. Il s'avança majestueusement vers l'endroit où se trouvait la reine. Puis arrivent enfin le roi Etzel et le sire Dietrich, avec tous ses compagnons. Théodoric, roi des Goths, Théodrec dans l'Edda. On voyait là, en superbe équipage, maints chevaliers nobles, bons et vaillants. Cette vue releva l'âme de Kriemhild. Le seigneur Rudiger dit à la reine, « Ô dame, c'est ici que je dois recevoir le grand roi. Accordez un baiser à ce que je vous indiquerai, car vous ne pouvez saluer d'une même façon tous les hommes d'Etzel. » On enleva de sa hakenée la reine majestueuse. Le très puissant Etzel n'attendit pas davantage. Il descendit de cheval avec ses nombreux fidèles et s'avança plein de joie au-devant de Kriemhild. Deux chefs opulents, ainsi nous le raconte-t-on, marchaient magnifiquement vêtus à côté de la dame quand le roi Etzel s'avança à sa rencontre et qu'elle reçut le noble prince avec d'affectueux baisers. Elle écarta ses bandeaux. Ses belles couleurs resplendissaient parmi tout l'or qu'elle portait. Il y avait là bien des gens qui prétendaient que Dame Helsch n'avait pu être plus belle. Le frère du roi, Blödel, se tenait à côté d'eux. Rudiger, le riche margrave, lui dit de l'embrasser, ainsi que le roi Guibec et Dietrich, qui étaient présents. La femme d'Etzel baisa ainsi 12 des guerriers. Elle favorisa d'un salut les autres chevaliers. Pendant tout le temps qu'Hetzel fut près de Kriemhild, les jeunes cavaliers firent ce qu'on fait encore maintenant. Ils se livrèrent à des joutes brillantes. Ainsi faisaient et les guerriers chrétiens et aussi les païens, suivant leur coutume. De quelle façon chevaleresque les hommes de Dietrich faisaient voler bien haut au-dessus des boucliers les tronçons des lances brisées par leurs fortes mains. Le bord de maint bouclier fut percé par les coups de Tuschen. Tuschen, Deutschen, les Burgondes, les hôtes allemands. On entendait au loin le bruit des lances qui se rompaient. Tous les guerriers de la contrée et les hôtes du roi étaient accourus, tous nobles hommes. Enfin, le roi puissant partit avec Dame Kriemhild. Non loin de là s'élevait une tente magnifique. La plaine était couverte de pavillons de feuillage où l'on devait se reposer après les fatigues du jour. Maintes belles jeunes filles y furent conduites par les chevaliers, à la suite de la reine, qui s'assit sur un siège garni d'étoffes. Le margrave s'était occupé d'arranger avec soin le siège de Kriemhild. Le cœur d'Hetzel en fut réjoui. J'ignore ce que Hetzel dit en ce moment. Dans sa main droite, il tenait la blanche main de la reine. Ils étaient assis côte à côte, tendrement. Mais Rudiger, la bonne épée, ne permit pas encore au roi de lui offrir son amour seul à seul. On fit cesser partout les tournois. Le grand fracas prit fin après de glorieux exploits. Les hommes d'Hetzel se rendirent dans les huttes. On procura à tous des logements suffisants. Le jour était à sa fin. Chacun se livra au repos jusqu'à ce qu'on vit luire la brillante aurore. Alors les hommes se hâtèrent vers leurs chevaux. Ah, que de jeux on entreprit en l'honneur du roi! Le roi commanda aux Yunen de se préparer pour rendre à la reine les honneurs qu'on lui destinait. De Toulna, on chevaucha vers la ville de Vine, où l'on trouva grand nombre de dames très bien vêtues. Elles reçurent avec de grands hommages la femme du roi Hetzel. Tout ce qui était nécessaire était là, à leur usage, en grande profusion. Plus d'un héros magnanime se réjouissait aux cris d'allégresse. On se mit à s'installer, et les noces du roi commencèrent au milieu de la joie générale. Tous ne purent se loger dans la ville. Rudiger pria à ceux qui n'étaient pas étrangers de prendre des logements dans le pays d'alentour. Je pense que sans cesse on trouvait près de Kriemhild le seigneur Dietrich et maints autres guerriers. Ils avaient fort à faire pour distraire l'esprit de leurs hôtes. Rudiger et ses amis se livraient à de joyeux divertissements. La Pentecôte fut le jour des noces où le roi Hetzel reposa à côté de Kriemhild dans la ville de Vine. Auprès de son premier époux, elle n'avait pas acquis, j'imagine, le service de tant de guerriers. Elle se fit connaître par ses dons à ceux qui ne purent la voir. Plus d'un d'entre ceux-ci dit aux étrangers « Nous croyons que Dame Kriemhild ne possédait plus de richesses, et ici elle fait merveille avec ses présents. » Les noces durèrent 17 jours. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'aucun roi en célébra de plus belle, ou du moins nous l'ignorons. Tous ceux qui étaient là portaient des vêtements neufs. En aucun temps, je crois, elle ne siégea dans le Niederland avec tant de guerriers. Et je pense que Siegfried, quoiqu'il fût riche en biens, ne s'attacha jamais à un si grand nombre de nobles hommes qu'on envoyait là devant Hetzel. Jamais roi ne donna à ses noces tant de riches manteaux, grands et larges, ni de si bons vêtements que ceux qui furent distribués à profusion par la volonté de Kriemhild à toutes les personnes qui en voulaient. Ses amis et aussi les étrangers étaient d'humeur si généreuse qu'ils n'épargnèrent point leurs biens. Ils étaient disposés à donner ce que chacun désirait. Plus d'un chevalier, par bonté d'âme, se dépouilla de tout, même de ses vêtements. La reine pensait au temps où elle était près du Rhin avec son époux chéri. Des larmes mouillèrent ses yeux, mais elle les cacha soigneusement, de façon que nul ne put le remarquer. Elle recevait de grands honneurs après avoir subi tant de souffrances. Quelle que fût la générosité des autres, elle n'était rien auprès de celle de Dietrich. Il distribua tout ce que le fils de Botelung lui avait donné. La main du bon Rudiger fit aussi des merveilles. Le prince Blödel de Lungerland fit vider les mains coffres pleins d'or et d'argent dont on fit largesse. En vérité, les guerriers du roi vivaient bien grandement. Verbal et Svemal, les joueurs d'instruments du roi, gagnèrent chacun, je pense, au moins 1000 marks, et même davantage à cette fête, où la belle Kriemhild porta la couronne à côté d'Etzel. Au matin du 18e jour, ils partirent de Wien. Dans les jeux chevaleresques, bien des boucliers furent brisés par les lances que les héros portaient en leurs fortes mains. Le roi Etzel se mit en marche vers le Jutunland. On passa la nuit dans l'antique Heimburg, Carnutum du temps des Romains. Personne ne peut se figurer avec quelle puissance cette immense troupe chevauchait par le pays, et que de belles femmes aussi on allait trouver dans la patrie. Ils s'embarquèrent à Misenburg, la riche, Wieselburg sur la Leitha. Le fleuve était couvert, aussi loin qu'on pouvait le voir couler, d'hommes et de chevaux en si grand nombre qu'il semblait terre ferme. Les femmes fatiguées de la route jouirent là de la douceur du repos. Maints bons vaisseaux furent attachés ensemble, de façon à mettre tout le monde à l'abri des ondes et du courant. On tendit au-dessus de bonnes tentes. C'était comme si on se fût trouvé dans la plaine sur terre ferme. Ces nouvelles arrivèrent au bourg d'Etzel, et hommes et femmes s'y réjouirent. La suite d'Elch, qui jadis servait cette princesse, passa depuis des jours heureux auprès de Kriemhild. Là attendait plus d'une noble vierge qui, depuis la mort d'Elch, était dans la douleur. Kriemhild y trouva 7 filles des rois, dont la beauté ornait les états d'Etzel. La jeune dame, Herat, dirigeait cette suite. Elle était fille de la sœur de Helch et riche en vertu, l'épouse de Dietrich et l'enfant d'un noble roi, étant fille de Nentwin. Plus tard, elle fut l'objet de grands honneurs. Son âme se réjouit de l'arrivée des étrangers. De grands préparatifs étaient faits pour les recevoir. Qui pourrait vous décrire la vie que le roi mena depuis? On n'avait pas mieux vécu chez les Jutun du temps de l'autre reine. Quand le roi et sa femme eurent quitté les bords du fleuve, on dit le nom de ces dames à la noble Kriemhild, qui les salua très gracieusement. Oh, avec quelle puissance elle occupa la place d'Elch! Chacun lui offrit son loyal service. La reine distribua à pleine main de l'or et des vêtements, de l'argent et des pierreries. Elle donna alors tout ce qu'elle avait apporté chez les Jutun de part de la Lorraine. Aussi, depuis lors, tous les parents et tous les hommes du roi lui furent-ils soumis avec dévouement, si bien que Dame Helch ne leur commanda jamais d'une manière plus absolue que ne le fit Kriemhild jusqu'à sa mort. La cour et le pays vivaient si honorablement qu'en tout temps on y trouvait des divertissements suivant le goût et l'humeur de chacun, par l'effet de la générosité du roi et de la bonté de la reine.